Mes larmes sont sèches, il y a longtemps que je dèche, longtemps que je cherche le bonheur qui s'en fiche. En fait, souvent je n'ai plus rien à foutre de faire la fête. Écoute, j'en ai plein la tête, de tout ça, on ferme les portes. La vie est une belle femme morte, tu veux la foutre comme des porcs. On se comporte, tu es un humain qu'on transforme en butin, en machine pour le butin de machin. J'en chie, chair à canon pour ce cher patron. Ah non, il n'y aura pas de pardon. C'est donc ça nos vies, c'est donc ça la vie, c'est donc ça nos vies, c'est donc ça la vie. Je cherche l'évasion dans la drogue, la télévision. Je trouve l'immersion dans une autre dimension. La sensation de passion aux pulsions du son puissant dans mon sang. Les yeux se plissent de plaisir, les sentiments extrêmes me font dire sans me mentir. Le ciel, la terre, le pouvoir de choisir et soi-disant assouvir ses désirs. Mais y'a pas de progression sans sourire, sans croire qu'on peut vivre libre avec la fièvre, l'amour au bout des lèvres. Triste quand même, quand on mime la haine, ma rime reste reine, ma trime me freine. Pourtant je l'aime, la vie. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. C'est donc ça la vie, c'est donc ça la vie, c'est donc ça nos vies. C'est donc ça la vie. Tu voulais que je te raconte comment ça se passe ici et pas ici. C'est pas gala, pas voici, alors voilà. Je viens pas de là, banlieue, mais comme eux, je galère. Quotidien lisse, amer. Quand je trouve du taf, c'est lucide. Et oui, je stream, mais moins que certains, car je suis blanc et j'ai de la chance. Oui, je suis une pute qui court après la thune, tout en bossant pour que dalle, pour éviter d'avoir la dalle. J'aimerais élever mon âme, mais je la crame. Mon avenir dans le désespoir de voir ma condition sociale évoluer, polluer comme la terre. Mes pensées se suicident et me laissent seul face à moi-même, comme un cadavre gisant dans ma haine, ma propre haine. J'alimente ma peine, souffrance de laisser mes rêves se briser, comme l'écume s'échoue sur les rochers. Ferrero, Ferrari, ça rime pas avec, j'ai le frigo vide. C'est ça la vie aujourd'hui, hein. C'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça nos vies. C'est comme ça la vie, c'est donc ça nos vies. C'est comme ça la vie, c'est donc ça nos vies. Putain de vie sans vision d'avenir, putain de vie sans vision d'avenir. Je respire l'air pollué d'ici et je chopperai le cancer. Et comme tout le monde, je finirai par crever d'une vieille maladie toute pourrie. Rien à foutre de vos vies, rien à foutre de vos vies.